Ne hayata evrenceli budik de eflese sandalık yazmıyor. Ne bize ne bize süt kuruyor. O kanalı magazin satan petitim de set başarılı bu hafta. Apoji boksan ediyor. Belki şimdi de lağa aple afetman edin de butik. O satayla sak hıyandası demek elizekini sızıyorum. Lezi petitim çabuduğun için. Onu da hibe eletti. Biz o zaman bir kez kesinlikle Malezya soruyor. Eskide zaman Akin'le Felipe Fadim birisi benim adamı Zeyşin'si. Anladım o da la perdesi şu kapıya sonuçta sıkıverlattım da Lezya'sı yedi yaşıyor. Erdi partiye sata. Allah kırıbı gelmişse de bir sinirlenmen de Anna s'arrêta devant une jolie boutique car elle flashait sur une paire de kickers bleus. Elle n'en avait jamais vu de cette couleur. Elle entra dans le magasin et sortit un petit tube de sa poche, un jouet pour enfants, un produit pour faire des bulles. La voilà qui se mit alors à appeler un plein de bulles dans la boutique en chantant et dansant, criant de Cidella qu'elle désirait les chaussures bleues, les petites chaussures bleues de la vitrine. La vendeuse arriva, elle était plutôt sympathique et ce qui faisait même un léger sourire. Elle expliqua de demander à qu'il ne fallait pas faire de bulles sous peine d'endommager les chaussures. Anna demanda la paire de chaussures et paya sur le champ sans prendre la peine de les essayer, bien sûr. Elle repartit en chantant. Alors qu'elle regagnait son domicile, elle mène Anna s'arrêta devant une jolie boutique car elle flasha sur terre de kickers bleus. Elle n'en avait jamais vu de cette couleur. Elle entra dans le magasin et sortit un petit tube de sa poche, un jouet pour enfants, un produit pour faire des bulles. La voilà qui se mit alors à appeler un plein de bulles dans la boutique en chantant et dansant, criant de Cidella qu'elle désirait les chaussures bleues, je vais péter les chaussures bleues de la vitrine. La vendeuse arriva, elle était plutôt sympathique et ce qu'il faisait même un léger sourire. Elle expliqua de demander à Anna qu'il ne fallait pas faire de bulles pour qu'elle endommageait les chaussures. Anna demanda la paire de chaussures et paya sur le champ sans prendre la peine de les essayer, bien sûr. Elle repartit en chantant. Alors qu'elle regagne son domicile, elle mène